Nathan, Bouliano, personne pour nous arrêter. Une fois lancé, essaye pas de nous rattraper. Nous on speed quand on est lâché, on est comme des faves affamées. Se trouve pas sur notre route, sinon on sent les griffes. En 2-3 coups, nous on te déchique. Personne pour nous arrêter. On est tellement soudés qu'il est impossible de nous séparer. Pourquoi tu sors ton porte-monnaie? On n'a jamais dit qu'on allait traquer. Personne pour nous arrêter. Mais si tu restes sur notre chemin, tu risques d'en laisser du tien. Nous on veut se faire connaître, notre son tu vas l'entendre, t'inquiète. On est peut-être que sur Skyrock, mais demain on fera tour des blocs. Personne pour nous arrêter. Tu vas te stopper, tu vas avoir un choc, avoir l'impression de t'en prendre un rock. On est jeunes rappeurs amateurs, on n'est pas des dealers. Nous on a la santé, on n'est pas fatigué. Personne pour nous arrêter. Tu vas te stopper, tu vas avoir un choc, avoir l'impression de t'en prendre un rock. On est jeunes rappeurs, amateurs, nous on n'est pas des dealers, nous on a la santé, on n'est pas fatigué. Personne pour nous arrêter. On te l'a dit, on est soudés, essaie pas de nous tester, tu pourrais le regretter. Ça serait pas marrant pour toi de pas rentrer chez toi. Personne pour nous arrêter. Car tu nous auras pas écoutés, à vouloir frimer, à vouloir jouer au boss. Maintenant tu te retrouves avec des boss, te tiens pas les côtes, je t'ai juste mis un coup de crosse. Personne pour nous arrêter. Toi on t'a brisé les dos. On veut bien te conduire à l'hosto. T'as vu, on n'est pas des putes. On aurait pu te laisser crever dans la rue. La prochaine fois t'auras qu'à nous écouter. On t'avait prévenu, on te l'avait dit. Il fallait bouger. Personne pour nous arrêter. Tu vas te stopper, tu vas avoir un choc, avoir l'impression de t'en prendre un rock. On est jeunes rappeurs, amateurs, nous on n'est pas des dealers, nous on a la santé, on n'est pas fatigués. Personne pour nous arrêter. T'as vu, tu vas te stopper, tu vas avoir un choc, avoir l'impression de t'en prendre un rock. On est jeunes rappeurs, amateurs, on n'est pas des dealers, nous on a la santé, on n'est pas fatigués. Personne pour nous arrêter. Ouais.